Merci toute l'équipe. Rap 100% explicite lyrics. Et c'est parti pour la nocturne 100% rap français juste après Difool. Vous le connaissez cet instru, hein? Ah, vous connaissez, c'est l'heure de retrouver la nocturne 100% rap français pendant 2 heures sur Skyrock avec ce soir. Beaucoup, beaucoup de nouveautés que je vais vous présenter. Il y aura du Ice MC au programme, du PNL évidemment, du Panama Bende à écouter, l'Algérino, nouveau son de l'Algérino, Panama. Et là, on va débuter avec un petit clin d'œil au Planète Rap de cette semaine et notamment en fin de semaine avec les lives, les concerts Skyrock, ceux qui sont passés en concert, ceux qui sont en tournée avec Skyrock. En plus, ça, c'est des titres, des captations inédites, hein, celle de MHD. On va débuter la nocturne avec, voici Roger Mila. Passez une bonne soirée, soyez prêts, puis envoyez bombarder de messages avec le hashtag Skyrock, le hashtag La Nocturne. Planète Rap, 100% rap français. Qui paye, maintenant je peux dormir sur mes des oreilles. Et y'a pas de secret, je me suis même fait des traits et des conseils. Roger Mila. À droite, Roger Mila. Danse comme Roger Mila. Roger Mila. Danse comme Roger. À gauche, Roger Mila. Danse comme Roger Mila. Roger Mila. Tout le monde. Roger Mila. Danse comme Roger Mila. Roger Mila. Danse comme Roger Mila. Rap 100% rap français. Je fais le tour de la ville en chantant la la la. J'ai fêté le million et j'ai mon compte au Panama. Elle fait la meuf docile, mais c'est une vraie chétana. Tu la ramènes à l'hôtel, elle dit qu'elle a ses ragnagna. Je fais le tour de la ville en chantant la la la. J'ai fêté le million et j'ai mon compte au Panama. Elle fait la meuf docile, mais c'est une vraie chétana. Tu la ramènes à l'hôtel, elle dit qu'elle a ses ragnagna. Vas-y cousine, lève-toi de là. Ce soir je prends le large. Bugatti, ensuite il parle faire un braquage. En route toute la nuit, t'hebbe le kiwi ou le banana. Elle fait trop la bande et je la traîne par son bandana. Y'a les Condé Acha, la mèche cache la salha. Mais c'est une vraie chétana. Tu la ramènes à l'hôtel, elle dit qu'elle a ses ragnagna. Je fais le tour de la ville en chantant la la la. J'ai fêté le million et j'ai mon compte au Panama. Elle fait la meuf docile, mais c'est une vraie chétana. Tu la ramènes à l'hôtel, elle dit qu'elle a ses ragnagna. Nouveau son de l'Algérino. Il s'appelle Panama dans la nocturne 100% rap français. Y'a Joule. Et puis le ghetto phénomène de Marseille aussi qui débarque dès lundi 20h-21h sur Skyrock. C'est à écouter, c'est à découvrir. Le singe tropical. Je vais pas te courir derrière. J'en garde ta tête et ça ton derrière. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Fais gaffe avec ton verre. Tu vas me chauffer, là, ton grand-père. Si un jour je la crois, je vais faire le signe de la Rihanna. Cours plus, je fais plus de sport à part quand ça crie à ra. Allez, le sang. Allez, on y va. Allez, le sang. Allez, on y va. C'est un fan normal. Mais la rue m'a piégé. Si je pouvais, je voudrais revenir dans le passé pour voir. Et je voudrais tous mes frères partir reviennent parmi nous comme si on était hier. Ben oui, je voudrais que mes doigts me donnent un petit coup de fil et me disent ça y est, je suis sorti. Ah, je voulais trop de choses qui m'ont poussé à faire des fautes. Mais c'est trop tard que j'ai compris ce que j'avais. Si je pouvais ne jamais t'avoir déjà vendu la mort. Mais c'est trop tard que j'ai compris ce que je voulais. partir pour du Versace ou la mort en sachet. Trop de morts. Tout part en couille, j'me remets en question. Et quand même je m'embrouille, la zone est sous tension. Le temps s'écoule, on m'a dit fais attention. Reste un peu cool, t'as une chance dans le sang. J'voulais voir la vie d'un autre œil, où mon bonheur n'était pas que passage. J'voulais qu'on aille loin, toi et moi. Mais depuis le temps, les choses ont bien changé. J'voulais refaire papa, j'voulais refaire maman. Redevenir insouciant, l'ivresse de tous ces moments. J'voulais changer les choses, mais c'est la même pour tous. Le tour du monde avec moi, j'ai pécé un pouce-pouce. Il débarque dès lundi 20h-21h dans Planète Rap, à pas louper Ghetto Phénomène. Planète Rap, 100% rap français. On va aller retrouver d'ailleurs le Ghetto Phénomène avec Jules maintenant. C'est Nocturne, c'est 100% rap français. Parler, ils sont jaloux, mais bougent leur tête comme des coques. Un tas, ils se prend tout. Dehors, il fait le

prendre juste un sac et pas de bagages en soute. Aujourd'hui j'ai les idées claires, je me cache, je laisse pas un homme dans le flou. Une fois la tour Eiffel derrière moi, j'avoue, j'ai commencé à douter. Paris, on se retrouvera sans doute, personne n'a pris ma foi. Alors je brise les codes à vive allure, je pisse droit. Mes voyages jamais soumis à vos dictatures. Mes nuages sont indolores depuis que je sais où je vais. Puisque la vie vaut de l'or, expliquez-moi le sang dans les CJD. J'ai l'impression que là où je respire, d'autres meurent étouffés. J'ignore où se trouve le cimetière de la jeunesse et miroir. Excuse-toi de me créer des chaînes, je suis pas rancunier. Hera, sa cigarette diffuse et on part en fumée. Un jour j'ai rencontré Hera et depuis je vous emmerde. Je suis rentré dans vos routines, parti en courant d'air. Maintenant je vais voir tout le voyage jusqu'au bout de la nuit. Effacer les mirages, apprécier le goût de la vie. Un jour j'ai rencontré Hera et depuis je vous emmerde. Je suis rentré dans vos routines, parti en courant d'air. Maintenant je vais voir tout le voyage jusqu'au bout de la nuit. Effacer les mirages, apprécier le goût de la vie. Entre à l'aube du nid endiablé par l'ivresse, aux gens mes potes qui sortent de boîte, la gueule de bois. Et dans les premiers bus tout le monde leur marque. On est différents, on parle fort, un bien méchant. Allez taffer plus jamais, j'ai de l'empathie pour les gens qui ont pas eu le courage ou le choix que de se lever toute leur vie pour pas grand chose. L'éducation, l'ouverture d'esprit rend nos parents pauvres. Il faut le comprendre et je crois que seul le temps nous le permet. On perd le nôtre sur internet, des trous dans la cervelle. Faire semblant d'avoir pas peur la diminue. On fait tous pareil puisqu'on doute toute l'année. Mon sourire ferait croire que je souffre à peine alors que j'étais condamné à me planter les intestins. Hera, y'a sa joie de vivre et on court après le train. Un jour j'ai rencontré Hera et depuis je vous emmerde. Je suis rentré dans vos routines, parti en courant d'air. Maintenant je vais voir tout le voyage jusqu'au bout de la nuit. Effacer les mirages, apprécier le goût de la vie. Un jour j'ai rencontré Hera et depuis je vous emmerde. Je suis rentré dans vos routines, parti en courant d'air. Maintenant je vais voir tout le voyage jusqu'au bout de la nuit. Effacer les mirages, apprécier le goût de la vie. Tu peux te noyer dans le verre des yeux ou le verre marécageux de l'absinthe. T'as le droit de garder le silence, qu'on soit deux ou qu'on soit cinq. Moi j'ai choisi de partir dès que je pouvais avant tout stop, rien à foutre d'être martyr. Je marche en équilibre sur un rooftop. Et je donnerai le meilleur de ma confiance quand on s'endormira. Pour contre-coup, les voyages, le contre-coup. J'emmerde les peut-être des histoires, y'en aura d'autres encore. Hera s'écrame près de la fenêtre et l'avion s'envole. Giorgio dans la nocturne, c'est 100% rap français. Le morceau c'est Hera. Il nous prépare un nouvel album qui est déjà en précommande. Tout comme le morceau que je vous balance après, je suis QLF. PNL, ça arrive dans la nocturne, 100% rap français. Explicite lyrics. La nocturne. La jungle, elle s'envoie ravie.

sauvage. Calage sur la mélodie. Chez nous pas de félonie. Ça vient de se branler R. Sango le dosso. Cagoulé lourdement armé sous la plage arrière. Sango le dosso. En mater, faut que la juge et le commissaire. 2-7. Calage sur la mélodie. S-E. Chez nous S-E. Pas de félonie. S-E. J'ai grandi dans la Zermi et je ne me suis jamais plaint. Moi, je m'en bats les reins. Ça ne me fait ni chaud ni froid de mettre du Philippe-Plein. Philippe-Plein. Tant que le réfrigérateur de la daronne est toujours plein. Toujours plein. Je ne trahirai jamais un vrai frère pour une chouin. Je suis matin, midi et soir au refou. Je fais des sous pendant que tu jattes. Ouais. Je me fais des sandwichs de gnou. Ouais. Je bois de la limonade de chatte. Ouais. Tu veux pas, y'en a qui veulent. Quand on trouve moi vite des feuilles. Quand des gros fiacs nous accueillent. Comme Fetty Wap, j'ai un œil. Je rôde en ville comme un check. Toi t'as une tête appuyée de la schneck. On parle pas avec toi pour la crapie. Pouka vu une fois, Pouka va vie. Tu m'as vu moi ou Kadhafi. Y'a du produit dans mon réseau. Pitié ta faim, monte dans le vaisseau. Mange-moi les yeux qui l'ico presto. Pas besoin d'appeler. Allo resto, allo resto. Sango. Mon couplet viendra s'abattre sur toi comme la peine de mort. Sango. Tu te comportes comme si on t'avait conçu avec du sperme de porc. S-E. Puis j'arrête de mentir, je suis mignon que quand je dors. Pas de réchauffement climatique, ça devient chaud que quand je sors. Arrêt du cœur, sauvagerie. 2, 16, 10, 12, 14, bureau annonce la couleur. Sauvagerie. Trois coups de l'air, peu de repenti comme Larry Hoover. Sauvage. Calage sur la mélodie. Chez nous pas de félonie. Ça vient de se branler R. Sango le dosso. Cagoulé lourdement armé sous la plage arrière. Sango le dosso. En mater, faut que la juge et le commissaire. 2-7. Calage sur la mélodie. S-E. Chez nous S-E. Pas de félonie. S-E. R.A.S. Kalash criminel avec Caris dans la nocturne, c'est 100% rap français. Arrêt du cœur à l'instant. Planète rap. Sur Skyrock. Nocturne. Je suis passé chez Sofiane tout de suite dans la nocturne, c'est 100% rap français. Écoutez. Avec Kalash criminel toujours. Kalash criminel. Après Poto, t'as pris du galon, t'es sorti du ballon. Lève trois coups de crosse avec le canon. 80 de trait, la puissance tu connais. J'suis une grosse cagoule, t'es un gros bonnet. 93 C'est la BO de ma mort, c'est l'album de ma vie. J'suis rentré dans ta tête, y'avait pas tant de cadors. Les pulcres avant de la mort, j'm'en fous de tes ventes balourdes. Rêve à avant t'adore, j'fais le tour de la ville. Pas les premiers qu'on démarre, pas les derniers qu'on finit. 3, j'aurais brûlé un continent. Bicrave la barre. T'as sans contraint, mais Léon t'achève. On monte sur tous les contrats, puis guette au carnage. Tout ce qu'a goulé, j'sais pas demain, sans frein, on achève. Dans ma tête, on est plein, mais bon, c'est moi le chef. Placer mes traces, le regard est glacé. C'est assez, mais pas seul, l'équipe s'est dépassée. Pour le million, 3, 5, 7, laissez passer. J'ai touché du pilon, on dirait glacé. Dormi à Féfé, cercle Givenchy. Toutes tes grand-mères qui rappelaient grosse folle. Toi, petite marocaine, moi, sale tes bandits. Si toi, bien donné, moi, manger ton sang là. Crosse de fusil, chasse calé sur l'épaule. Crache dessus pour faire glisser la couleuvre. Touche dans une brochure, 200 dans un hall. Plus les rats, on est 4000 de la Courneuve. Sauvage, nous, on est pas de chez nous. Les autres et nous, c'est pas le même. Série de rafale, si tu fais, fou. Je baiserai la France jusqu'à ce que. On connaît pas, t'es pas de chez nous. Les autres et nous c'est pas le même. Thierry Drafal si tu fais. Vous baiserez la France jusqu'à ce qu'elle meure. T'as pris du galon, t'es sorti du ballon. 9-3 coups de transe avec le canon. 80 de trait, la puissance tu connais. Je suis une grosse cagoule, t'es un gros bonnet. 80 T'as pris du galon, t'es sorti du ballon. 9-3 coups de transe avec le canon. 80 de trait, la puissance tu connais. Je suis une grosse cagoule, t'es un gros bonnet. Savoir quitter, hey. Ta ville tombe là, ta cité. Hey. À force de courir, quand ils embrouillent nos ennemis, rentrez avec des points de côté. Sauvage, rentrez avec des points de côté. Comme 9-3, tu fais le fond de piétine. Sauvage. Même si t'es une célébrité, le flow est illimité, rien ne sert d'imiter. Sont tous intimidés, sont pas en sécurité. Suisse des bites pour faire ses hommes, même plus dignité. Ici, ça pique, la c'est par nécessité. Nazo, y'a bientôt pour Bangaté. Hey. Kanga Monoko, Kayate. Hey. Calage criminel, je ramène la lumière même dans l'obscurité. T'es pas la famille, pas de négociation. On veut pas écouter tes explications. On arrive chez toi sans invitation. On t'allume ta mère sans hésitation. Un écrasement de thé et je te couperai ta respiration. Sauvage, sauvagerie 2 leur a donné un peu d'inspiration. Nous chez cher, tu connais l'adresse. RAS, t'efface comme Yannick Bolassi, comme Riyad Mahrez. Algérien sauvage, Africain sauvage, connu de tout part comme la Tour Eiffel. Sauvagerie, j'suis toujours en tête comme un couvre-chef. Salage criminel, ta ta ta. 9, 3, 2, 7, 10, 12, 14, le chiffre du loto. Hey. Tu pleures ta meuf qui t'a quitté, l'on pleure nos proches partis trop tôt. Algérien sauvage, Zaïrois sauvage, Africain sauvage, franchement il est trop fier. Hey. Ouais, je baisse ta receux. Ouais, je baisse ta receux. Mais je suis pas ton beau-frère. T'as pris du galon, t'es sorti du ballon. Hey. 9, 3 coups de trans avec le canon. Hey. 80 de trait, la puissance tu connais. Hey. J'ai une grosse cagoule, t'es un gros bonnet. Hey. 93, Vampire. 93, Vampire. 93, Vampire. 93, Vampire. T'as pris du galon, t'es sorti du ballon. Hey. 9, 3 coups de trans avec le canon. Hey. 80 de trait, la puissance tu connais. Hey. J'ai une grosse cagoule, t'es un gros bonnet. Hey. Bah. Rap. 100% rap français. Big LMC Records. Wesh mes zouzous. Ah, it's LMC. Yeah, how? Hier soir NSI, ce matin mon Roku. J'instaure une dictature, l'MC Mobutu. Mon butin, tu le veux, tu n'auras que ma bête. Je te fais charbonner dans le bâtiment, kilo tout, kilo derbia. Les keufs courent à la Kirikou. On n'arrête pas les balles à la Sirigou. D'ici j'entends toutes les mésanges qui roucoulent. Y'a Siri Pouche, fais la poule pour une série de coups. Verse Silence sur le gap du Sirocco. On a racheté 24 carats au cou. Ta grosse folle veut son coup de l'MC Rocco. Je vais reprendre le raté loco, la route tourne comme les filles du procureur de la République. Ta snake s'élargit chaque jour comme mon public. A chaque fois que t'écoutes les frères Lumière, tu brilles. Envoie ta vidéo, je la republie. Papa m'a dit, les plus belles sont les plus pudiques. On dit que dans ces serres, l'insomniaque perd son mythe. T'as marché sur mes rimes antipersonnelles. On m'appelle Barry Allen ou Supersonic. Mes bicos veulent s'évader comme El Chapo. Et j'ai ri de l'Algérie, mémoire dans la peau. Casse pas les couilles, on a perdu plus d'un million d'hommes avant de pouvoir agiter ce drapeau. Fais fumer la stick et yéki yéki. Suce-moi la bite et je te paye en liquide. Ego, je te rentre dedans comme un Yankee. Si je t'attrape en train de tacler l'homme, mais Yankee. Je suis de retour pour que l'industrie me fasse un lap dance. Ça te calcule pas si t'as pas de buzz ou que t'as pas de Benz. Le bail tourne, Villeur, Bana, Barbès. Et j'entends Big L, quels sont vos désirs, Altesse. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Tu regardes de droit devant, je viens par derrière, je te black. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Tu regardes de droit devant, je viens par derrière. D'air comme la fumée de ton pilon paraffiné. Je suis raffiné, je rabats des promoteurs. Moi j'ai la fougue dans les veines pour vous enfiler dans la foulée. Vous avez de belles carrosseries, mais j'ai le plus gros moteur. J'ai de la couche du Colorado, de l'Amérique, du Canada. Tous mes dicos préfèrent la cavale que de retourner là-bas. J'ai fait du bénéfice tout l'hiver en été. Je pars à Malaga, j'ai mal au cœur en voyant galérer mes rôles. Haraga, c'est la bagarre. C'est la bagarre. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Wesh, grosse folle, j'rappe mieux que tous ces bandeurs d'hommes. Tu rappes comme si t'étais recherché par Interpol. Quand j'rappe, c'est sale, gros, c'est dégueulasse. L'alcool délie les langues, fait tomber des masses. Besoin d'un millimilo pour animer des masses. Fous le feu, la folie dans les veines, rafale et mets les gaz. Pour entendre siffler mes oreilles, Bico, je n'ai qu'à m'absenter. Tu niques ta santé pour de l'oseille, tu niques de l'oseille pour ta santé. À ta santé, j'ai patienté. Dans nos ghettos, tu vends la coke, tu brilles. Les petits voient l'école comme une prison. Sans savoir que la prison, c'est l'école du crime. J'porte un toast à tous les locaux, toutes les locales qui soutiennent. Et qui savent qu'électron libre volume 2 va tout ken. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite. 100% Explicit Lyrics. Hey, hey, je voulais du pif, la bonne affaire m'a filé sous mes fils. C'est l'objectif est de miser sur la mif, partage de bénéfices. Béni, je mène mon plan, au fil du temps je me crispe. Car, je fais pas une pizza, mi car ni smoke, ma dernière carte en gold. Golf avec Obama, comme dit Macala, elle donne.

rider, rider, rider. Bien quand je fais du son, ma tête c'est vade, vade, vade. Groove dans le sang depuis la naissance. Faire du sale, on essaie, mais dans ce monde y'a même plus d'aisance. On te laissera pas plus de essais. Je crois que tu vois qu'on essaie, t'es qu'on a tous un peu d'aisance. Notre bolide c'est les textes, la force de nos fans c'est l'essence. Ouais, c'est l'essence. La ville avec les fenêtres ouvertes, il en sort des nuages de fumée toutes vertes. Toujours bien l'accompagné, toujours bien l'accompagné. Ça c'est moi de vide barge qu'on les compte. On ride la ville avec les fenêtres ouvertes, il en sort des nuages de fumée toutes vertes. Toujours bien l'accompagné, toujours bien l'accompagné. Ça c'est moi de vide barge qu'on les condamné. Ouais, qu'on est condamné. Ça c'est moi de vide barge qu'on est condamné. Ouais, qu'on est condamné, c'est assez moi de vide barge qu'on est condamné. 100% rap français, planète rap. La nocturne. On va retrouver un des mondes du Panama Bende dans la nocturne. Besoin d'elle, c'est ASF. ASF. Yes. Ok, je ressens les notes qui groovent dans le beat. La foule dans la fosse, j'ai la poule dans le beat. Mon mic me l'a porté d'un coup tranquille. Sur la scène, je me donne comme un fou, je transpire. Sans la zig, ma vie n'aurait pas de goût. À vous, Bende, mob, on est partout. Ranger les cartouches, savoure la peine, n'est pas connu par tous. Observe le mal, imaginez le bien, j'utilise mes vices pour construire ma vertu. Je me tue à faire ça, je vais vivre de la musique, vous êtes tous avertis. Cherche l'espoir au porte à porte, écoute la rage qui sort de ma gorge. Shot d'alcool pour fuir le réel, pourtant je sais que ça forge la mort. Cherche l'espoir au porte à porte, écoute la rage qui sort de ma gorge. Shot d'alcool pour fuir le réel, pourtant je sais que ça forge la mort. Mais comment tu se calmes, la question que ma mère se pose. Mais le pire c'est que le soir dans ma tête je me pose la même. Quand va-t-il se calmer, la question que ma mère se pose. Pire c'est que le soir dans ma tête je me pose la même. Je me pose la même H24. Est-ce que ton rêve tu l'atteindras? Les jeunes sortent le soir, se la mettent. Et dès le matin pétage en H. Les doutes, les angoisses, les moments de bonheur. Les souvenirs, le temps passe. La musique dans mon cœur gros, j'ai besoin d'aide. La musique gros, j'ai besoin d'aide. Cette substance, l'impression que je fais gâcher du temps. Trop de questions qui tournent dans ma tête. Mes pensées ne sont pas débutantes. Grade des 8 ans, ben des mobs, y'a pas de débutant. Marque débutant, faisant ce qui nous plaît. Reste en haut, c'est en bas que les putains. On arrive dans le game tempéré. Donc comme mode scellé, non, ne sois pas gêné. Mêlez tous d'accord, fais-le, arrête de calculer. Les comme de toi, tu taffes pour ta propre victoire. Histoire de voir un jour les autres te voir. Ce mec est un mixeur cristal, vital. Et le besoin que j'ai de rapper, et pire que ça. Ouf, check, tu bouges ta tête pendant le freestyle. Il paraît que tout le monde demande ce qui passe encore. 1, 2, 3, viens, je tape, fini le nez de travers. Je bat, ma mère pleure. Cherche les sorties de cette taverne noire encore. 1, 2, 3, viens, je tape, fini le nez de travers. Je bat, ma mère pleure. Cherche les sorties de cette taverne noire. Quoi qu'il se passe, je dois faire le taf. Mon navire s'en aille vers le large. Pas perdre ma tête, comment régler ces affaires de base. Les doutes, les angoisses, les moments de bonheur. Les souvenirs, le temps passe. La musique dans mon cœur, gros, j'ai besoin d'elle. La musique, gros, j'ai besoin d'elle. Les doutes, les angoisses, les moments de bonheur. Les souvenirs, le temps passe. La musique dans mon cœur, gros, j'ai besoin d'elle. La musique, gros, j'ai besoin d'elle. Bah ouais mon poteau, le monde se dégrade. Les militaires se droguent et montent des grades. Plein de monde dans les grades, hein. Tous les jours on me raconte des drames. Un viol par-ci, t'es mort par-là. Justice passe du coq à l'âne. Il est pas d'accord donc ça sent le calage. Plus d'amour que du sang sur le calage, non. Ces putes veulent ressembler à Kim Kardashian. Pas de poisson, t'es manché de plus parce que t'as d'argent. Ok, j'ai vu comme c'est au fond de la classe. Que ma musique fasse le tour de l'Atlas. My name is Saf, toujours du style, toujours la classe. J'arrive dans le game, 3 kills, 3 Z avant la mi-temps. Ouais, à demi-temps, ouais. Ça devient vite chien. Non, non, c'est pas que j'aime pas ce qu'ils disent. Mais je t'assure, j'ai d'autres trucs à dire, gros. Laisse-moi chanter, laisse-moi faire, laisse-moi rapper. Non, c'est pas que j'aime pas ce qu'ils disent. Mais je t'assure, j'ai d'autres trucs à dire, gros. Laisse-moi chanter, laisse-moi faire, laisse-moi rapper. Ouais, mes problèmes, je leur fais face. Il faut identifier les lâches. Les relations sont fausses. Et quand t'es plus rien, tout le monde clash, clash. Les angoisses, les moments de bonheur. Les souvenirs, le temps passe. La musique dans mon cœur, gros, j'ai besoin d'aide. La musique, gros, j'ai besoin d'aide. Les doutes, les angoisses, les moments de bonheur. Les souvenirs, le temps passe. La musique dans mon cœur, gros, j'ai besoin d'elle. La musique, gros, j'ai besoin d'elle. Les doutes, les angoisses, les moments de bonheur. Les souvenirs, le temps passe. La musique dans mon cœur, gros, j'ai besoin d'elle. La musique. Planète Rap, 100% rap français. J'arrive en baloué, masqué comme Halloween, ton flow s'évanouit. Ma carrière s'épanouit, on agit en famille comme les refrains Baldwin. J'arrive en baloué, masqué comme Halloween, ton flow s'évanouit. Ma carrière s'épanouit, on agit en famille comme les refrains Baldwin. On est sapés en Ralph Simmons, Alexander McQueen. Ils sont sapés en Barézi, oh, ils sont sapés en Drag Queen. J'm'en bats les couilles de la radio, j'suis là pour la maille, oui. Sa vie c'est rêve à les clients, tout ça pour la maille, oui. J'arrive en balle, bitch. Pas besoin de maxi, oh du rafale, bitch. En riche comme Omar Sy, d'après ce que l'on m'a dit. J'arrive en balle, nègre. Mes refs veulent que je sépère, mes refs veulent que je les crève. J'te parle de toutes ces démerdes. J'suis pas que ce monde de cette terre, nègre. T'es en compète, vas-y, lève. Nel, dynamo de Kiev. Tu sais comment ça se vit, crève. Tu sais comment ça se gère. Tu sais combien ça se détaille. Combien ça se fait cher? 9 de Haute-Seine. Tout ta tous paye. On est al, nègre. On te laisse en pause fétale, nègre. Si on démarre, nègre, ce sera sans faux départ, nègre. Ils veulent tous la glisser comme l'Elysée, mais on la dégaine de la risée. T'as le lycée. J'suis venu pour pisser, pas pour tisser. Des liens grattés à l'amitié, des carrières brisées. J'arrive en baloué. Masqué comme Halloween, ton flow s'épanouit. Ma carrière s'épanouit. On agit en famille comme les refrains Baldwin. J'arrive en baloué. Masqué comme Halloween, ton flow s'évanouit. Ma carrière s'épanouit. On agit en famille comme les refrains Baldwin. Faisons tralice, quitte à faire preuve de malice. Dans ce pays des merveilles de merde, la nouvelle Alice et Miley Cyrus. J'suis posé avec mon ange au calme, me suis ferme dans des anus. Attitude sanguine, froide et glaciale, frigidaire comme Vendetta russe. Ils veulent que je plaise, man nigga, que j'adhère à leur thèse. Mais moi je les baise, man nigga. Ils veulent que je me taise, man nigga. Mais je suis chaud comme la brèche, j'ai déjà dit, je les baise, man nigga. Tout, je veux plus rien et touchant. Sauf les mères, les flingues, c'est louche. Premier mois, j'étais chez, j'avais 12 ans. C'est la merde, mais y'a pas les couchages. Je me suis juré d'arrêter la brosse. Mes frérots, c'est leur boss. Je sens hashtag, c'est la poste. Minimum pour qu'on se déplace. Je veux être millionnaire, man nigga. En coupure de billets verts, man nigga. Sors nulle part quand les autres font du boucan sur la chaise. Des bits secs, man nigga. J'arrive en baloui. J'm'en bats les points, oui. Que t'es taffé avec celui-là ou lui. Ou que t'es clashé celui-là ou lui. Parlons de là où j'suis. Parlons de là où j'vis. J'arrive en baloui. J'agis quand les chats sont grus. J'arrive en baloui. Masqué comme Halloween, ton flow s'évanouit. Ma carrière s'épanouit. On agit en famille comme les refrains Baldwin. J'arrive en baloui. Masqué comme Halloween, ton flow s'évanouit. Ma carrière s'épanouit. On agit en famille comme les refrains Baldwin. Chokra dans la nocturne 100% rap français. Écoutez aussi dans un instant, Jaja et Dinaz offre un tour à Toulouse. Retrouvez Wanis dans quelques minutes. La MZ du son des sages poids, Iron Sai aussi. C'est le programme de cette deuxième heure dans la nocturne 100% rap français. Planète Rap, 100% rap français. Pourquoi tu m'envies? Moi je t'ai rien demandé. Si je pars de la désir, je sais que ça va me manquer. Et je suis resté vrai, le maire. Je frite sur le sanglier pour combattre mes peines. Quand je suis plein, je m'arrête. Et ma mère, je l'emmène. Faut que je vive mes rêves. Le cauchemar s'arrête. Tu sais que j'ai jamais bossé, moi. J'ai rien faire de mes mains. Je mettais le réveil à midi. Et je fonçais sur le terrain. Y'a pas 36 solutions. C'est la haine sous la prison. Quand tu recharges les munitions. Même si le proc qui demande 10 ans. Faut prendre un bon baveux, pas passer aux aveux. Si tu savais ce qu'on a vu dans la tête, t'aurais fermé ta gueule. On perd le temps, on fume des joints. J'ai fait du mal pour voir le bien. Mais sans gros trinque à la mienne, déterminé sous miel. J'ai même plus laquelle j'ai qu'elle. J'ai qu'elle kiffe la dégaine. Trinque à la mienne, déterminé sous miel. Laquelle j'ai qu'elle. C'est qu'elle kiffe la dégaine. Ma tête elle est remplie, faut que je m'isole, j'isole. Trop dans la désir, c'est la misère, misère. Frérot il m'appelle, il me dit qui sort, qui sort. Pour tout t'inquiète, y'a toujours l'équipe, ça, keep ça. Ma tête elle est remplie, faut que je m'isole, j'isole. Trop dans la désir, c'est la misère, misère. Frérot il m'appelle, il me dit qui sort, qui sort. T'inquiète, y'a toujours l'équipe, ça, keep ça. Tu me dis que la vie est belle, moi faut que je fasse le vide. De l'argent sale m'appelle, faut que je raccroche vite. On en a vu des scènes, je crée avec toi. Là je monte sur scène, je monte plus sur un compulsoir. Des problèmes dans ma tête, des soucis dans la tête, mon frérot. Crois pas que je me la pète, y'a plein de choses que je regrette, là c'est trop. La daronne veut que j'arrête, les kilos, les barrettes, les giros. Faut bien qu'on se casse du ghetto. Vas-y, grimpe dans le vaisseau. Ouais. Fais un tour de la désir. Ouais. C'est qu'on contrôle les réseaux. Ouais. Et que ça vend la résine. Ouais. Vas-y, grimpe dans le vaisseau. Ouais. Fais un tour de la désir. Ouais. C'est qu'on contrôle les réseaux. Ouais. Et que ça vend la résine. Ma tête elle est remplie, faut que je m'isole. J'isole. Trop dans la désir, c'est la misère. Misère. Frérot, il m'appelle, il me dit qui sort. Qui sort. Poto t'inquiète, y'a toujours l'équipe, ça, keep ça. Ma tête elle est remplie, faut que je m'isole, j'isole. Trop dans la désir, c'est la misère, misère. Frérot il m'appelle, il me dit qui sort, qui sort. Poto t'inquiète, y'a toujours l'équipe, ça, keep ça. Jaja et Dinaz, je m'isole dans la nocturne. C'est 100% rap français, 13 blocs à découvrir maintenant. Et le morceau Griezmann à écouter dans la nocturne. Après, il y aura Iron Sai. Rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. Les phrases qu'on aime bien dire en français. Tu veux quoi? Tu veux combien? Ton litron c'est combien? Parole de dirty ne dérange pas. Si tu nous arranges pas, de ces stylés sans allumettes. Yeux rouges, pas de lunettes. Dans son vêtement trop de boulettes. Père de gants, bélec au paluche. T'as pas tort si tu me vois un peu louche. L'argent fait changer de camp. L'argent fait trouer des corps. Fait t'acheter toi et ton cerveau. Oh mon téléphone sans appli, oh. Heureusement tu fais la torche. Quoi qu'ils disent man, le racisme ne sera jamais en crise man. Ramène la dope la plus forte, ils vont me sucer comme si je m'appelais Chris man. Fuck ton disque d'or, ton disque de platine aussi celui de cristal. J'suis dans la street à la recherche du cristal. Quoi qu'ils disent man, le racisme ne sera jamais en crise man. Ramène la dope la plus forte, ils vont me sucer comme si je m'appelais Chris man. Fuck ton disque d'or, ton disque de platine aussi celui de cristal. J'suis dans la street à la recherche du cristal. Rap noir, y'a rien de baby boy. Sache que j'dis comme si j'baby boy. Tout est gris, rien n'est baby cake. Mets de l'or dans ce game de b-boy. Ton embout comme les cafos checks. T'as ta boulette calade dans les fesses. Boulette russe si tu dois des frais. Boulette proof à la place du WC. Galérer, galérer, galérer. Nous ingrène à vendre et à balayer. Luka Modric, mille relayeurs. Je récupère, je paye tous les salariés. Quoi qu'ils disent, on est dans les jazz. Quoi qu'ils fassent, on est dans les jazz. Je prends la bitch, je m'appelle Wayne Rooney. 13 blocs, c'est un G-Unit. Quoi qu'ils disent, man, le racisme ne sera jamais en crise, man. Ramène la dope la plus forte, ils vont me sucer comme si je m'appelais Chris, man. Fuck ton disque d'or, ton disque de platine aussi celui de cristal. J'suis dans la street à la recherche du cristal. Quoi qu'ils disent man, le racisme ne sera jamais en crise man. Ramène la dope la plus forte, ils vont me sucer comme si je m'appelais Chris man. Fuck ton disque d'or, ton disque de platine aussi celui de cristal. J'suis dans la street à la recherche du cristal. 100% explicit lyrics. Planète Rap. petit peu. Faut éteindre le petit peu. On me respecte sans aucun coup de feu. J'ai fait mes gammes en kilogrammes. J'ai fait mes gammes en kilogrammes. J'ai fait mes gammes en kilogrammes. J'ai fait mes gammes en kilogrammes. Allergique à l'imposture. Tu seras crédible quand tu prendras une balle. Tu joues le gangsta devant des immatures. Mais chez les youths, ton courage tombe en panne. Sur ton âme, y'a des vergers purs. Ton rap accouche des phrases du chétan. Wesh, tu peux, écoute pas ces ploucs. T'auras le cerveau de Jean-Claude Van Damme. Les négros mangent où j'ai pissé. Toi t'arrives quand je me suis cassé. Négro, j'suis dans toutes les cités. J'suis comme la famille déjà acquittée. Rappeur, s'il te plaît, ferme tes fesses. Mais si ça caille, remets ta veste. Garde pas ta caisse, obéis, yes. Car on la vide comme un Bucarest. J'me sacrifie car j'suis un soldat. J'te bats quand même car j'suis insolvable. Ta femme m'adore car j'suis insauvable. La justice même pas, j'ai le teint du coupable. Ils sortent des scuds pour passer à table. Éphémère comme mon spliff. Les rappeurs ont pété un câble. Moi je vends et toi tu sniffes. Bruit d'un petit peu. Bruit d'un petit peu. Bruit d'un petit peu. On me respecte sans aucun coup de feu. Bruit d'un petit peu. Bruit d'un petit peu. Bruit d'un petit peu. On me respecte sans aucun coup de feu. J'ai fait mes gammes. Français, planète rap. La nocturne. C'est extrait de la bande-son du film La Pièce qui arrive. Production Watibé. Et le morceau, c'est celui de Rof qu'on écoute maintenant. Sorti de la rue, qui est le creux. Hein? On revient de loin. Yeah! Je rentabilise le vécu, frérot. On revient de loin. R.O.H. Joseph, sauf qui peut. Lève pas la main sur le type. Respecte les anciens. 9-4-19 l'équipe. On tient la route et tous les terrains. Trahis par les frères pour une chute de rein. Pas de bras tracés, même quand y'a chute en R1. Location Gamos, on accélère pour rien. On a la mentale et le sens du partage. Arrivant au car plat, on remplit tout partage. De la part du 9-3 au deuxième étage. Libérable en attendant le prochain soulevage. Le ghetto prend de l'âge mais ne veut pas j'échante. T'as reconnu le feu, fais garer sur les champs. Que des avions de chasse et des gueules de méchants. C'est des gros en place, gaz plus trop d'argent. Gaz plus trop d'argent. Tout ça bêtement pour le regard des gens. Cache ta vodka, c'est michto, on sifflait discrètement toutes les tailles de punch. Trop de jalousie, mais pourquoi autant de haine? Ils ont brûlé ta caisse, t'as les larmes aux yeux. C'est comment les mecs de tes sont entre eux. Joue le modeste et diront que t'es un vartre. On est comme ça que tu veux. Tellement cramé, qu'on a même cramé nos baveux. On est des vieux pères dans des camps de neige. On détient les records et le respect de toutes les banlieues. Sortez de la rue qui est les creux. Rentabilise le vécu. La pièce, pour quoi tu fasses la monnaie de la pièce, pile ou face. Le pur rapace a toujours mal fini. T'as pas de principe, t'as pas d'ennemi. La monnaie de la pièce, pour quoi tu fasses la monnaie de la pièce, pile ou face. Sauter de la rue qui est le creux. Rentabilise le vécu. La monnaie de la pièce, pour quoi tu fasses la monnaie de la pièce, pile pile ou face. Le pur rapace a toujours mal fini. T'as pas de principe, t'as pas d'ennemi. La monnaie de la pièce, pour quoi tu fasses la monnaie de la pièce. L'instru qui claque, le power du black. L'amitié de l'arabe, la confiance du white. La baraka me sourit ultra bright. Même dans de beaux draps, j'dors bien la night. Y'a pas que les méchants qui nous respectent. Même les gentils qui font du skate. Ne joue pas au dur du mob satek. J'suis plus dans le futur, j'suis dans la high tech. Les jaloux font que baver, ils ont trop dormi. Qu'est-ce que tu fais pas d'oseille normal, tu t'ennuies. Les condés t'ont remonté pour 30 vies. Pour une michto, tu les stades dans la zermu. Sorti indemne, t'appelles la jungle urbaine. Je porte mes couilles, j'peux acheter les tiennes. Dis-moi avec qui tu traînes. Qui te ken, qui est le meilleur ami de l'homme. Entre chien et chienne, au lieu de me testa, reste à ta place. Les mecs te détesta et tu les dépasses. Ma plume est célesta, mon flow prend l'espace. La street est malhonnête, remontée comme un gros fast. La pire des racailles à la grande classe. Benny Blanco finit dans les rails, short de l'impasse. La street les étonne, parce qu'il qu'il a une tonne. Du Ibis au Hilton, le rap game de mi-tonne. Que des bondeurs te voient, you. Que des bondeurs te voient, you. Ils vont couler les poches remplies de caillou. Ils vont couler les poches remplies de caillou. Sortez de la rue, qu'il est creux. Rentabilise le vécu. La monnaie de la pièce. Quoi que tu fasses, la monnaie de la pièce. Bit pile ou face, le pur abat, ça a toujours mal véné. T'as pas de principe, t'as pas d'ennemi. La monnaie de la pièce. Quoi que tu fasses, la monnaie de la pièce. Bit pile ou face, sauter de la rue, qu'est le creux. Rentabilise le vécu. Quoi que tu fasses, la monnaie de la pièce. Bit pile ou face, le pur abat, ça a toujours mal véné. T'as pas de principe, t'as pas d'ennemi. La monnaie de la pièce. Quoi que tu fasses, la monnaie de la pièce. Bit pile ou face. On revient de loin. La monnaie de la pièce. La pièce. La monnaie de la pièce. La pièce. On revient de loin. La monnaie de la pièce. La monnaie de la pièce. Planète rap. 100% rap français. Come on, come on. Ok. Higher. Où sont mes animaux? Ça. T'inquiète, bouge la tête, te prends pas la tête. Rebenga, rebenga. C'est Tony Montana qui vient te faire ta fête. T'la frappe des plaques paki. Ma gueule, j'ai grandi dans le maquis. Depuis j'ai concentré mon haki. Attache ta ceinture, on est parti. Qui est-ce qui est le malin qui teste? Dans mes skinless, si Jacques, vas-y qui teste. Dans l'équipe fête, et ton boss, vas-y qui se baisse. On a qui teste, pour le king, pour la bitresse de la team. The brand new sounds. 33 Bordeaux. Sur une prod de monsieur CHI. C'est comment? Sunday Sound Club. Où sont mes animaux? Ça. T'inquiète, bouge la tête, te prends pas la tête. Rebenga, rebenga. C'est Tony Montana qui vient te faire ta fête. T'la frappe des plaques paki. Ma gueule, j'ai grandi dans le maquis. Depuis j'ai concentré mon haki. Attache ta ceinture, on est parti. Qui est-ce qui est le malin qui teste? Dans mes skinless, si Jacques, vas-y qui se teste. Dans l'équipe fête, et ton boss, vas-y qui se baisse. On a qui t'aide, tu le king, florette business. De la zipette, planqué dans la pluie de tête. On a plus de tête, communique par notre système. Finir aux assises, nique l'économie de la vitesse. Nos darons plongés dans la tristesse que personne dramatise. Y'a aucune autre issue, donc on fait comment? J'suis venu pour prendre mon dû, les gars, c'est comment? Ouais, les gars, c'est comment? J'suis venu pour prendre mon jus, les gars, c'est comment? Nouveau projet, ouais, on met la com. Sous-estimé, personne fait ma com. On va pas quand même finir encore à corps. Au moins, on est d'accord que nous sommes pas d'accord. Prêt à tout donner, je casse les barrières. Ça n'ont plus rien à foutre de l'art, de la manière. Clic le buzz, ça gonfle un tel, ça suce ceci, ça pue la merde. Y'a trop d'écart quand je le porte, je mentalise. Vite, je réalise. Dans ce putain de game, y'a de quoi faire son réalisme. Un bordel dans mon crâne, zère. Envie de faire du sale, ouais, poteau, je t'en canalise. Le choc est post-traumatique, je forge, j'insiste. En pilotage automatique, je progresse. Souvent perdu, le fond m'attire. Je gamberge, que ça pèse ou pas, j'ai mon avis, je t'emmerde. Y'a aucune autre issue, donc on fait comment? J'suis venu pour prendre mon dû, les gars, c'est comment? Ouais, les gars, c'est comment? J'suis venu pour prendre mon dû, les gars, c'est comment? Sam, c'est comment dans la nocturne? La nocturne. Douma Kadash et Nino. Les mains en l'air comme les portières du SLR. Formé sévère, niqué des mères. Je ne sais que faire, ils vont se taire. J'ai déjà dit que ça va couler. Loco, y'a ça poulé. Tous mes négros, ils ont doulé. Y'a pas que du shit qu'on s'est roulé. On fait du choca, toi tu es con. Tu sniffes la meca, tu dors sous les ponts. T'as mis des rodcas, t'es pendu au balcon. J'ai vide à l'oca, j'ai les ailes du faucon. Tac, tac, clic à les cams. Les miens sont des P4, mitraillettes. On te laisse pas dans tes cales, tu te la bêtes. On trouve gilet pare-balles. Calage, Douma. Glock dans la gueule, tu vas Kuma. Croche dans la tête, tu vois tout noir. Pèse le rap game pour mes dollars. Rien à perdre, gars, tu vas regretter quitter cette terre. J'ai de la monnaie, j'attends pas que c'est perte. Branche en l'air, détends ses R. On bique avec R. On bique avec R. Mes négros sont partout, poche plein de cartouches. Des KF, ouais, c'est la guerre. J'ai du plomb comme un Caracas. 2, 2, 3, enfoiré, j'suis Maraca. Tu pars, tu connais rien du tout. Tu pars, tu connais rien. Tu parles, tu connais rien du tout. Oh, tu parles de qui, tu parles de quoi? Quoi? La street m'a donné rendez-vous. Vous, à midi bitch tu là, là. Ces bitch ils font les fous, fous. Tu me cherches, je suis dans ma favela, là. Faut qu'on finira plein de trous, trous. C'est comme ça que ça finira, ah. Un peu de pépette, un peu plus. Qu'il y a des gros bonnets, pas de petites frappes. Un peu de paperasse, un peu de buzz. T'es ma queue, tu la pipes là. Mes PM rapides, mais je kick lent. Dis-moi qui loupe, dis-moi qui glousse. Dis-moi qui loupe, dis-moi qui glousse. Dis-moi, je dois la mettre au fond de quelle gorge. En costard, on fait trop serre. Trois trous, on fait trop peur. T'es comme un poker, le regard est trompeur. Oups, t'arrives, mais trop pur. Trop tard, tu l'attends comme le popper. Au fait, ton présent, c'est mon passé. Dans ma tête, c'est l'année prochaine. J'entends boum boum dans la cité. Moi, tu vois, bientôt l'été. Gros steak, je vois de l'étu. Je veux les 6 chiffres du loto. 80% d'amateurs, à basse et piton, faut chauffer le moteur. Tu mourras d'un collimateur, on dépousse les mythos et on fait demi-tour. Ça revend le bon jaune. Les yachts qui sont plusieurs. Je ne pense qu'à l'argent. Bébé, je n'ai plus de cœur. T'es pris de court, Douma est sorti du placard. On a sorti les lâches quand on veut une grosse part sur le 4K. Tu parles, tu connais rien du tout. Tu parles, tu connais rien du tout. Tu parles, tu connais rien du tout. Tu parles, tu connais rien du tout. Oh, tu parles de qui, tu parles de quoi. Quoi, la street m'a donné rendez-vous. Oh, à midi, puis tu là. Ces bitches ils font les fous, fous. Tu me cherches, je suis dans ma favela, là. Faut qu'on finira plein de trous, trous. C'est comme ça que ça finira, ah. 100% rap français, planète. La nocturne. Guy de Besbar à l'instant, à écouter dans la nocturne. C'est très chaud dans ma vie. Ils ont des menteurs qui sautent la grille. On déboule les peurs, t'inquiète, le bruit. Tap, tap. Peu quand on envoie la monnaie. Je me casse, casse, casse. On envoie le démon que c'est volé. Sur les champs avec Crash Tox. Je vous demande dans quelle ville nous vivons. On écoute pas les romantiques. C'est bien pour ça qu'on est son crypton. Si demain je me fais griller, je vais finir comme Mitch, la machine à piller. Et c'est ce qui compte si demain je me fais griller. Jungle, en crise, en crise de peur. Ton chef du bus qui t'allait prendre tout son lit. Je répète, te dire parce que t'as des projets. Ouvre ta baguette, je veux ma quelque. Je comprends tout le monde, y'a plus de problèmes que d'argent. On prend rien qu'on compte. Si tu me crames, dis rien à mes parents. si demain je me fais griller. Je vais finir comme Mitch, la machine à piller. Et c'est ce qui compte si demain je me fais griller. A jungle. La nocturne. C'est Wanis dans la nocturne. Wanis, la DJ. Pour avoir du bif dans les poches, combien leur ami ont tiré dans le dos. Si mes ennemis deviennent proches, je mets un Glock sous le manteau. La rue m'a rendu parano, combien ont vendu leur âme pour des lingots. Savais-tu que Samuel Cole t'a inventé le flingue pour que tout le monde soit égaux? Et quand le sang coule dans nos rues, les trains investis dans la pierre, qui aux apparences sont pacifiées. Là où personne ne pourra tricher, je vais me balader sur les Champs-Élysées avant que les Qataris rachètent les Champs-Élysées. Y'a pas ceux qui dorment dans la cocaïne, qui font des nuits blanches. Mon équipe écarte les bras, ton équipe écarte les jambes. Le videur s'est fait vider en chargeur. C'est ghetto, t'es mignonne, mais t'as la foule qui fait le poisson mort. C'est ghetto. T'es ma novice en ghetto. Le jour, la nuit, c'est ghetto. Que fait-on sans le vice, c'est ghetto. C'est ghetto, misso, ghetto. C'est ghetto, oh, oh, oh. Ghetto, nanana. C'est ghetto, oh, oh, oh. Toulouse, à Marseille, c'est ghetto. De Marseille à Paname, c'est ghetto. De Paname au Provence, c'est ghetto. Pour les faire enfermer, c'est ghetto. C'est ghetto, mira, ghetto. C'est ghetto, misso, c'est ghetto. Cette planète rap. La nocturne. Douze KO à découvrir maintenant dans la nocturne 100% rap français. Marchons dans la nuit, de l'eau lourde du lac. J'ai rêvé de me faire la belle, et tant pis que tu sois prise. Te kidnappe et je m'abaisse comme Hadès aux abysses. J'aurais aimé faire la belle, que la belle ce soit Watt. Dans une nuit éternelle, que l'on baise, que l'on boive, que je lèche ton écume dans un cul du lingus. Qu'on s'endorme sur les plumes des communes Olympus. On venait donc d'Atlantide, de ces cités détruites. Les collèges devenus camp de réfugiés politiques. J'aurais aimé qu'on soit grande, des SAV tout entière. Lorsqu'on était enfant, j'ai j'escaladais ta gouttière. On se tenait par les doigts, on se mordait par les yeux. On savait pas faut faire quoi, mais j'aurais voulu le faire à toi. Que tu me vois pas grandi, ce zézé toujours ivre. Puisque quand t'es parti, moi j'ai cessé de vivre. Vers l'amour, passé à deux doigts de toi. Je suis mort plusieurs fois dans le deux, dans deux mois. Je suis qu'un pirate dans l'usage, balafré dans le visage. Un albator hardcore, naufragé sans rivage. J'aurais aimé faire la belle, que la belle ce soit Watt dans une nuit éternelle. Que l'on baise, que l'on boive, que je lèche ton écume dans un cul du lingus. Qu'on s'endorme sur les plumes des communes Olympus. Je dis basta, au bout d'un moment c'est juste énervant. Mec tu me forces à te le dire, t'es la crasse, tu le détergent. Donc s'il vous plaît que quelqu'un ôte de ma vue tous ces castras. Les mecs n'ont aucun courage, rien qu'ils pompent et copient. Quand il ne s'agit que de tracer sa route, creuser sa tête. Si je dois lutter pour ma survie comme le dernier des mammouths, je vais te blesser, t'ouvrir de partout comme des sandalettes. Je suis dans les clashs depuis que je suis môme. Balance des bombes et je sais que dès que tu nais, tu mets un pied dans la tombe. Donc à tout moment je monte mon zèle. Et quand je dis que je suis numéro 1, bidon crois pas que je monte le ciel. On n'a rien sans rien mon fils, c'est l'ordre. Quand tu manges, donne à manger aux chiens. Du style de mort. Moi le rap est mon job et ma passion. On dit que l'argent parle, j'essaye d'avoir une bonne conversation. Tandis que je pars à la recherche du rap perdu. Avec qui? Avec mes deux silissages poètes de la rue. Partout autour du monde, peu importe la surface du globe. On va le retrouver, ensuite le mettre au top. Ce soir je suis parti à la recherche du rap perdu. Avec mes deux silissages poètes de la rue. Partout autour du monde, peu importe la surface du globe. On va le retrouver, ensuite le remettre au top. Ce soir je suis parti à la recherche du rap perdu. Avec mes deux silissages poètes de la rue. Partout autour du monde, peu importe la surface du globe. On va le retrouver, ensuite le remettre au top. Je vais pas te dire, je n'ai pas la monnaie, ça ferait de moi un mytho. On a appris tôt comment faire rentrer les capitaux. Donc je décapitais le bijak comme un piton à 16 piges. La rage m'habitait, tel un 357 automatique. Je rachais mes pruneaux, demande à Bruno. Je rêvais d'être unique, j'ai pris ce créneau. T'aurais pu sur celui de l'électronique. Je suis un électron libre, j'aime trop la liberté depuis ma puberté. Frérot, je suis incontrôlable. Tu sais, j'ai vu ce trône là-bas et juré de m'y asseoir. Je lâche rien, j'ai faim quand mon ennemi a soif. Ma voix est guidée par le Saint-Esprit, inspiration divine. Depuis nos premières respirations, vois-tu, je suis parti à la recherche du rap perdu. Avec mes deux silissages poètes de la rue. Partout autour du monde, peu importe la surface du globe. On va le retrouver bébé et ensuite le remettre au top. Ce soir je suis parti à la recherche du rap perdu. Avec mes deux silissages poètes de la rue. Partout autour du monde, peu importe la surface du globe. On va le retrouver et ensuite le remettre au top. Ce soir je suis parti à la recherche du rap perdu. Avec mes deux silissages poètes de la rue. Partout autour du monde, peu importe la surface du globe. On va le retrouver et ensuite le remettre au top. Ce soir je suis parti à la recherche du rap perdu. Avec mes deux silissages poètes de la rue. Partout autour du monde, peu importe la surface du globe. On va le retrouver et ensuite le remettre au top. Passe-moi le micro là. Let's go. On m'a dit genre qu'il faut revenir au temple. Les anciens nous manquent, le rap a trop changé. Ils parlent tous de Sanger. Plus aucun texte sensé. Se croit dans un Kofi Adam, mais je m'étonne. Mais y'a pas de l'anidrame. On parle pas de punchline. Y'a pas de l'anidrame. Où ça fait ra, ra. On revient sonner le clac, clac. Rappeur, t'as l'air tendu. Prends-tu du Viagra. Ce matin, vois-tu, je me sens bien. Et vu que je me sens bien, on s'atteint tête dans de pot de rat. Je veux parler comme un vieux con. Condescendant et montant. Remettre en place, j'ai le don. Évidemment, les questions que de son. Depuis l'époque du vieux pont, on clash les MC que bon. Tu sais, c'est quoi MC que bon? C'est qu'un bouffon qui pépon. Dis-moi, petit, où est-on? L'originalité, admettons. Tu kiffes cet artiste qui est bon. Pourquoi lui laisses-tu les tétons? Comme un breton, je suis têtu. J'ai jamais fait comme les autres. Nous, les moutons, vois-tu, on les mange au foyer, son à côte. Avec une étude, je vais vous apprendre le B.A.B.A. du A.B.B.A. Nouvelle technique R.A.P. qu'on a développée. Avec Papa Mélopé et P.O.P. On a les meilleures techniques, tu peux demander à B.A. Rap musique que j'aime ton parfum quand il est frais. Et qu'il ne ressemble à rien d'autre parce que tu l'as créé. Nous étions là bien avant, donc nous serons là après. Que tout le monde retourne dans sa classe, c'est la fin de la récré. Parce que ce soir je suis parti à la recherche du rap perdu. Avec mes deux cylindres, je pourrais être de la rue. Partout autour du monde, peu importe la surface du globe. On va le retrouver et ensuite le remettre au top. Ce soir je suis parti à la recherche du rap perdu. Avec mes deux cylindres, je pourrais être de la rue. Partout autour du monde, peu importe la surface du globe. On va le retrouver et ensuite le remettre au top. Ce soir je suis parti à la recherche du rap perdu. Avec mes deux cylindres, je pourrais être de la rue. Partout autour du monde, peu importe la surface du globe. On va le retrouver et ensuite le remettre au top. Ce soir je suis parti à la recherche du rap perdu. Avec mes deux cylindres, je pourrais être de la rue. Partout autour du monde, peu importe la surface du globe. On va le retrouver et ensuite le remettre au top. À la recherche du rap perdu, man. Sage poète, Silly, sage poète. Amen Danny Dan, Mélopé. On a les meilleures techniques. Tu peux demander à Béanex. C'est les bons ça. On n'arrête pas. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Paraît que je ne rappe plus, parce que je n'ai pas d'actu. La vérité, j'ai le mort dans son corps, la drogue en parachute. Fallait de nouvelles expériences, puisqu'on vise pas la lune. En attendant un cri d'espoir, défonçons-nous si ça t'amuse. Est-ce que des chemins semés d'embûches sont nécessaires pour profiter d'un ciel qui connaît pas les éclairs? Je trimballe un mental sensible, une vieille paire de converse. Les deux ont vu le soleil, mais vivent dans les inverses. Je cherchais les mots justes, mais tu ne voulais rien entendre de plus que la voix de mes aveux. Pourtant, mon ami, l'important c'est tous les deux, c'est que toi et moi ce soit le feu. Je cherchais les mots justes, mais tu ne voulais rien entendre de plus que la voix de mes aveux. Pourtant mon ami, l'important c'est tous les deux, c'est que ce soit le feu dans nos vies. Je garde ce texte comme une énigme, ces mots sont durs. Durs comme un vieil ami qui te méprise, sinon on sait. Rien à foutre de passer pour des cons, adolescents foirés. Une nuit blanche dans une mine de charbon. Passer des soirées à chasser des vieux démons. Pour nos années sauvages et les fumes qui nous correspondent. Les yeux fermés, à marcher sur les ponts. Respirer la vie avant d'être brûlé ou coincé sous des tombes. Alors la musique donne un sens à mes jours. Surtout quand l'amour fait faux bond dans nos faubourgs. J'ai même appris la guitare seule avec quelques conseils des rats coupés du monde. Si les bombes explosent, m'alertez pas. Égoïste mais heureux comme ça. Je sais que j'existe, un matin tout changera. Même si jamais je rentrerai dans les rangs, je finirai comme j'ai commencé sans un exemple. Je cherchais les mots justes, mais tu ne voulais rien entendre de plus que la voix de mes aveux. Pourtant mon ami, l'important c'est tous les deux, c'est que toi et moi ce soit le feu. Je cherchais les mots justes, mais tu ne voulais rien entendre de plus que la voix de mes aveux. Pourtant mon ami, l'important c'est tous les deux, c'est que ce soit le feu dans nos vies. Puis elle a disparu, la drogue a eu raison d'elle. Suivre mon ami était un poison mortel. Miroir brisé, ego qui ne se relève pas. J'aurais peut-être pu la sauver au fond. Au fond de l'eau, son corps pris par la mort. Au fond de l'eau, des remords naissent encore. Parce que la vie c'est pas le sommeil, c'est être ébloui dès le réveil, c'est chasser les doutes, grimper l'Everest. Parce que la vie c'est pas le sommeil, c'est être ébloui dès le réveil, c'est chasser les doutes, courir de l'ouest à l'est. Rap français, plus. nocturne. J'ai autant d'ennemis qu'un gang member de la Westside. J'ai vendu de la IA, Judas avant les visages. J'ai grandi dans les rôles sales, ces fourmilières de métissage. Barreau dans la ville comme jour, rêvant de paradis. Pas de Vanessa pour mes OG, pour ma mafia. L'école, Davidson présente. Davidson présente, sont mes frères de sang, sont mes frères de sang. Pas de négro dans ma bande, négro dans ma bande. J'suis dans une pièce de théâtre et j'me défonce à chaque entracte. Ma vie est une tragédie, faut que j'parte avant la fin du spectacle. Et il nous fixe comme Mona Lisa, Lisa, Lisa. Que Dieu protège du mauvais œil. Iscariote avant lui, Lisa, Lisa, Lisa. Sans cet homme qui neige ou qu'il pleut. Pas de bonne recrue dans mon club. T'es pas le bienvenu dans mon club. Bienvenu dans mon club, mon carré vip dans mon club. Que Dieu protège du mauvais œil. Pas de bonne recrue dans mon club. T'es pas le bienvenu dans mon club. Bienvenu dans mon club, mon carré vip dans mon club. Dans cette eau qui neige. Ça fait des piches qu'on vit, ça force à nous arrêter. La mifa, je fais sa fille, ça le fit, sa vie, ça sur mon visage. Sans devoir même lui parler. T'hallucinerais si je te disais qu'on bossait sans baisser les pas, avancer sans savoir même où aller. La musique est sur ma gueule du ghetto. Rage pas poteau, il est tôt. Je protège mes beaux, même si c'est chaud. De loin les wallows, je les entends. Fait que celui qui est pas content. Et il nous fixe comme Mona Lisa, Lisa, Lisa. Que Dieu protège du mauvais œil. Iscariote avant lui, Lisa, Lisa, Lisa. Sans cette eau qui neige ou qu'il pleut. Pas de belle recrue dans mon club. T'es pas le bienvenu dans mon club. Bienvenu dans mon club, mon carré vip dans mon club. Que Dieu protège du mauvais œil. Pas de belle recrue dans mon club. T'es pas le bienvenu dans mon club. Bienvenu dans mon club, mon carré vip dans mon club. Dans cette eau qui neige ou qu'il pleut. Dis pas de conneries, j'suis pas un mythe, tu un hit. Coup de couteau dans ta fesse gauche, fais pas de pique. J'ai de l'ambition, j'mourrais pas pour une fille. Et j'partage mon cœur comme un steak frites. Si t'as de l'argent, dis-toi que Paris sera magique. J'sais pas, ça fait le bonheur, mais c'est putain de pratique. Comme Mona Lisa, rien que ça guette ma clique. Sur le mauvais œil et les oreilles des briques. J'sais pas comment vivre, j'sais comment ne pas mourir. J'suis en forme et j'frappe comme le shit ramolli. On rappe comme des Audis, comme des indiques. Le mec à goulé, c'est mon pote canonnier. La mentale est négro, le cœur est métis. J'suis pas nouveau connu comme prince de la ville. Bitch, maintenant pote aura boule ma monnaie. Eh, dans le carré VIP quand j'suis dans le club. Tu peux me sucer la bite, t'auras même pas une club. Mais tant que j'ai gratté, ces putes veulent gratter. Tu peux me sucer la bite, quand t'auras même pas une club. Ces putes de rage ont la gorge nouée. Ces rappeurs Tommy ont les poches trouées. Faire des sous dans la street, je suis trop doué. Bitch, c'est pas ton cul qui va m'amadouer. Ah. Ils font que parler, ils font que parler. Ces putes parlent de Reggie. Gros, ils ont même pas un Glock. Et ils nous fixent comme Mona Lisa, Lisa, Lisa. Que Dieu protège du mauvais œil. Iscariote avant lui, Lisa, Lisa, Lisa. Sans cette eau qui neige ou qu'il pleut. Pas de belle recrue dans mon club. T'es pas le bienvenu dans mon club. Bienvenu dans mon club, mon carré vip dans mon club. Que Dieu protège du mauvais œil. Pas de belle recrue dans mon club. T'es pas le bienvenu dans mon club. Bienvenu dans mon club, mon carré vip dans mon club. Planète Rap, 100% rap français. L'équipe est de sortie, on s'en bat les. On s'en bat les yeux. J'm'en bats les yeux. On s'en bat les yeux. L'équipe est de sortie, on s'en bat les yeux. J'te ramène du monde si ton club est vide. J'installe tous mes potes dans le carré vide. Sans frime et trop de style dans l'équipe. Film au ralenti comme dans les clips. On rentre en short ou en survêt Adidas Slim. Remplis nos cartes SIM, de nouveaux contacts. S'il te plaît ne fais pas de cinéma, non choisis ta cible. Grosse ou taille fine, ce soir personne meurt dans le film. On s'en bat les yeux. On s'en bat les yeux. J'm'en bats les yeux. On s'en bat les yeux. L'équipe est sortie, on s'emballe. Ça s'invente pas la classe, gros, tu l'as ou tu l'as pas, ouais. Négro, je suis capable de rentrer dans le club en cas, ouais. Fais croquer les types, fais les traits, renfais les rêves. Et t'inquiète, y'aura pas de bagarre, non, personne va renverser de revêt. Ce soir, on est à l'aise, on peut dire que c'est la case à deux ou trois poteaux de Saint-Blaise. Seven me rappelle de casa, paire de casales sur le zen. Pas d'œil, pas de seum. Jeu de jambes, ça c'est cadeau, pas de somme. C'est la famille d'abord. Quand y'a des plans, on fait monter le max de frérot à bord. N'en cherche pas ta tort, cherche pas ta tort. Si ça dérape, je t'envoie Badji la patate d'or. Ce soir c'est le feu, y'a des Pokémon rares. J'envoie le remix de Panda pour mettre tout le monde en mode rap. N'allume surtout pas la clim, non faut que les gens transpirent. Allez pull up une dernière fois le son juste avant qu'on se tire. On s'emballe, on s'emballe, je m'emballe, on s'emballe. L'équipe est de sortie, on s'emballe, on s'emballe, je m'emballe, on s'emballe. L'équipe est de sortie, on s'emballe. Je te ramène du monde si ton club est vide. Installe tous mes potes dans le carré vide. Sans frime et trop de style dans l'équipe. Film au ralenti comme dans les clips. On s'emballe, on s'emballe, je m'emballe, on s'emballe. L'équipe est de sortie, on s'emballe. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Keto, lali lali, awa pona kozu wa miloko ya kolya. Keto, mani mani, awa pona kozu wa miloko ya kolya. Na e na zui na ke, yebaka. Keto, yena mboka oyo pona kozu wa miloko ya kolya. Keto, lali lali, awa pona kozu wa miloko ya kolya. Keto, mani mani, awa pona kozu wa miloko ya kolya. Na e na zui na ke. Ils embellissent le mal avec de l'éloquence. La fin du diable. En apparence, leurs mots sont clairs comme l'eau métron. Comme l'avocat. Langage soutenu ou langue de montagne de flûte pour si peu de verre. À l'école, t'es qu'un amateur, on te fout, j'ai les pros. T'as des capacités, on te met en bac électro. Tu te confies à la conseillère, ton CV tu peaufines, mais t'as pas la bonne tête. Ils t'appellent le mauvais profil. Oh. Ils font croire que c'est logique, tout ce sac à merde qu'ils appellent classe technologique. Oh. Tes masques qui feront de toi si t'as la flemme. Agent de production, moi j'appelle ça. T'as pas la chaîne, t'es le pont black, quand pour la V, bah tu te surpasses. T'es qu'un esclave qu'ils appellent technicien de surface. Ton peuple très souvent demande de l'aide, tu te fais sucrer ton salaire. Donc ils t'appellent la tête de nègre. Ils embellissent le mal avec de l'éloquence. La fin du diable. En apparence, leurs mots sont clairs comme l'eau métron. Comme l'avocat. Langage soutenu ou lent. Montagne de flûte pour si peu de vertu. La vérité est sobre, les apparences titubent. T'attends tes tests du VIH. C'est ce qu'on appelle une heure qui tue. Le meurtrier d'ego, ils appellent ça des militaires. Une machine à faire du fric, qu'ils appellent aide humanitaire. Un homme qui défend le mal, ils appellent ça un avocat. Avec la maille, il marche au pas, moi je dis qu'il donne son âme au diable. Le poison de l'état qu'ils appellent le bon vin du pays. Pour soulager leur vice, dis-moi y'en a combien qui périssent. Un homme plus avec une barbe, ils appellent ça un intégré. Les casques bleus, soldats de paix en RDC sont loin d'être pisse. Les keufs lâchent de la haine, ils appellent ça gardien de la paix. Berlusconi, premier ministre, moi j'appelle ça parrain de la paix. Ils embellissent le mal avec de l'éloquence. La fin du diable. En apparence, leurs mots sont clairs comme l'eau métron. Comme l'avocat. Langage soutenu ou langue de montagne de flûte pour si peu de terre. Des femmes d'esprit en uniforme dans nos quartiers qui foutent la merde. Ils appellent ça les forces de l'ordre. Et celui qui dénonce tous ces faits à Dieu donné. Ils appellent ça un sale mec. Un gars comme moi qui se fait son truc pour s'en sortir. Ils te diront que c'est la même. Ils appellent ça la vie. Les riches d'un côté, les pauvres de l'autre. De face et de quoi je parle, à force de l'être. Ils appellent ça le système. Pour du bif sous la table, faut insister. Et cette femme, aux histoires futiles, pétées de thunes, victime des médias. Eux, ils ont un blaze très spécifique. Ils appellent ça un sex symbol. Et ces gens qui te trouvent des problèmes, même quand t'en as pas, rien que pour leurs fans, moi. Ils appellent ça des psychologues. La famille attend, on n'a pas fini de te faire psychoter. Ils embellissent le mal avec de l'éloquence. La fin du diable. En apparence, leurs mots sont clairs comme l'eau métron. Comme l'avocat. Langage soutenu ou langue de montagne de flûte pour si peu de vertu. J'en place une pour les boubous et les djé là-bas. Les Fatima, les djé là-bas. Et monter des voix même jusqu'au parloir. Celles qu'ils appellent femmes soumises dans leur foutu parlement. Apparemment, ils parlent de moi et des gens de mon espèce. Tous ceux qui traitent de racailles dans leur espace nous qualifient de minorité visible quand le physique n'est pas de pure souche. Moi je suis qu'en visite, je suis qu'un fusible, donc je pète les plombs. Français que quand je dépasse la frontière, aucun peu de clan. Ce qu'ils aiment chez nous, ce sont les femmes et le tiep. Bien qu'on fasse tourner le monde, ils disent qu'on n'est que le tiers. Ils embellissent le mal avec de l'éloquence. En apparence, leurs mots sont clairs comme l'eau métron. Comme l'avocat. Langage soutenu ou langue de montagne de flûte pour si peu de vertu. Ils embellissent le mal avec de l'éloquence. En apparence, leurs mots sont clairs comme l'eau métron. Comme l'avocat. Langage soutenu ou langue. Montagne de flûte pour si peu de vertu. Ghetto, yena moka oyo pona kozu wa miloko ya kolya. Ghetto, lali lali awa pona kozu wa miloko ya kolya. Ghetto, bani bani awa pona kozu wa miloko ya kolya. Na e na lui na ke. Ils disent langue de bois, ils disent langue de bois. Moi j'appelle ça une langue de pute. Moi, j'appelle ça une langue de pute. Les mots paraissent si différents. Les mots paraissent si différents. Quand on a changé d'angle de vue. Quand on a changé d'angle de vue. Pour finir, un classique de la section d'assaut à l'instant, c'est extrait de l'école des points vitaux. Ils appellent ça dans la nocturne. C'est fini pour cette nocturne 100% rap français. Ça reviendra évidemment dès la semaine prochaine, juste après Difool et la Radio Libre vendredi prochain. Et puis dès lundi, soyez au rendez-vous. Planète Rap 20h-21h, Ghetto Phénomène Kid. C'est la nocturne. Attends, y a une bête. J'ai entendu une espèce de ouh. J'ai entendu un ouh. Ah, c'est toi, Gedge. Le jeune Gedge qui voulait se faire remarquer. Bah, dédicace à toi, tiens. Allez, va bosser pour le morning de Difool, tiens. Allez, vas-y. Allez, c'est parti. Entre 6h et 9h, on te retrouvera aussi lundi matin avec toute l'équipe de Difool. La Guapache était dans le studio aussi. Et donc, la section d'assaut pour finir, j'en étais où? Oui, la section d'assaut et j'en étais surtout au Planète Rap de lundi avant d'entendre ce bruit mystique qui est arrivé de bête. Mais bête qui va pas bien, quoi. Franchement, pas très en forme, la bête. On revient donc lundi 20-21 à pas louper les Marseillais de Ghetto Phénomène qui débarquent. On les a découverts avec le Planète Rap de Jul. Ils seront là tous les soirs de la semaine entre 20h et 21h. Fabuleux est là aussi. C'est parti. Allez, il est grand temps de tirer le store. Ciao. Du rap et du R&B. Turn it up. Rap and R&B.